La scène dépeinte dans la Bible, lorsque Dieu ordonne à Adam, nous touche et nous réconforte, même si elle ne nous montre que Dieu est là. La relation entre les deux est si intime que l'on se sent émerveillé, imparfait émerveillement. L'amour généreux de Dieu est gracieusement offert à l'homme. L'amour de Dieu l'entoure. L'homme innocent et pur est libéré de tout tracas. Il vit en paix aux yeux de Dieu. Sera-t-il